Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Accroche-oreille. C'est Jean-Pierre Guay qui est avec vous, avec Gaétan Gosselin. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre. Gaétan, c'est notre dernière soirée de l'année pour l'Accroche-oreille. Et on finit cette semaine avec un artiste que ça fait longtemps qu'on a le goût de recevoir, Georges Azaria. Oui, Georges, qui est un vieux routier, je dirais, de l'art sonore, qui travaille depuis plusieurs années comme compositeur, interprète. Il est aussi inventeur d'instruments. Je me souviens l'avoir vu les premières fois chez Obscur avec toute cette petite gang, cette équipée d'art sonore qui faisait des prestations vraiment inusitées, un travail expérimental. Puis Georges est parmi ceux qui ont, ceux et celles qui ont poursuivi. Thank you. Georges Anzaria, bonsoir. Bonsoir. Georges, il y a quelques années, je lisais au sujet de Spin, tu disais « Je vais aller me coucher dans la lueur du jour, je crois que le monde a besoin encore de quelques plaidoiries. » C'était autour du disque Spin, il y a quoi, mon Dieu, c'est en 2007. Est-ce que maintenant, avec l'instrument qu'on voit aujourd'hui, que tu vas nous présenter, tu vas aller te coucher ou si tu vas te lever de bonne heure demain matin pour commencer à jouer dessus? Ben, disons que j'ai eu une rechute. Ma vie allait assez bien, puis je suis revenu à la création. Alors donc, je pense que je vais me lever tôt et que je vais me coucher tard aussi pour pouvoir jouer de ce piano. Ça, c'est assez clair. Mais c'est drôle parce que je profite de l'occasion pour te remercier, Jean-Pierre, parce que ça fait, tu le sais probablement, 5 ans à peu près que je t'ai dit, Jean-Pierre, j'aurai quelque chose à te montrer bientôt. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à recommencer à faire quelque chose parce qu'il fallait que j'avais promis à Jean-Pierre, donc j'allais lui faire écouter quelque chose et lui montrer certains objets. Donc voilà. Ça tombe très bien parce que, comme on se disait tantôt, Gaëtan et moi, c'est notre dernière émission cette année, donc on aurait pu reporter à une autre année. Et donc, c'est très, très, très, très. Je suis très fier de te recevoir, avec Gaëtan, de te recevoir pour la fin de cette année avec une nouveauté, vraiment une exclusivité ici, et même à la Croche-Oreille et à CKRL. Moi, ce qui m'a toujours étonné, parce que ça fait longtemps que j'ai le goût de faire une entrevue avec toi, c'est comment ça se fait qu'un avocat, qui est dans un domaine plutôt sérieux habituellement, s'intéresse, et c'est normal qu'un avocat s'intéresse à la musique, mais qu'un avocat s'intéresse à quelque chose qui est de la musique, mais de la musique qui est vraiment ce qu'on appelle pas de la musique, qui est de l'art sonore. Quel chemin que l'avocat a fait pour se rendre à ce type de sonorité-là? En fait, c'est plutôt l'avocat qui est une excroissance de... en fait, je suis plus avocat, mais je suis professeur à l'université en droit, donc ce qui est pour plein de gens à peu près la même chose, peu importe les nuances, mais je suis d'abord arrivé à... Je suis arrivé ensuite au droit, mais j'ai commencé à l'époque à CKRL. Plusieurs ont oublié ou pas connu, ont voulu oublier n'ont pas connu cette période dans le milieu des années 80 où moi j'étais adolescent et j'ai travaillé. Donc là, à l'époque où il y avait Gilles Artaud, Jean-Louis Dubé, etc., qui voulaient refaire la radio et qui disaient au fond la radio, le studio, c'est un instrument de musique. Et c'est un instrument pour faire du son, et c'est un instrument pour déstabiliser les gens, etc. Enfin, il y avait un discours aussi social derrière ça. Moi, j'ai surtout récupéré le discours artistique autour de ça, et j'étais donc sans aucune formation. Je suis arrivé, et on m'a dit, tiens, il y a un studio, et tu peux t'amuser et essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, je me suis beaucoup amusé à faire des boucles, à mettre des sons à l'envers, à l'endroit, enfin, comme n'importe qui commence avec ça. Et de là, est né cet intérêt, et assez vite, donc, je me suis retrouvé à suivre ces gens-là qui sont retrouvés à Obscur à l'époque. Artaud, Louis Ouellet et éventuellement Jocelyn Robert, qui est une formidable école d'idées. Parce que pour eux, la création, c'est d'abord des idées. Et donc, on peut avoir fait un cursus scolaire, évidemment, et c'est toujours utile. Mais pour ces gens-là, ce sont d'abord les idées qui sont intéressantes. Et quand ils nous parlent d'une œuvre, ils nous parlent d'abord de l'idée qu'il y a derrière l'œuvre, avant de nous dire « j'ai trouvé ça beau » ou « peu importe ce que j'ai pu en penser » ou « voici comment c'est fait ». Regarde, l'idée derrière, c'est telle chose. Et avoir des idées, au fond, c'est à la portée de tout le monde. Et on n'a pas besoin de savoir jouer de la musique pour avoir des idées musicales. On n'a pas besoin nécessairement de savoir sculpter pour avoir des idées de sculpture, etc. Donc, j'ai plutôt été formé à cette école-là où, ayons une idée, testons-la. Évidemment, il est possible que l'idée soit très mauvaise ou en tout cas son rendu ne soit pas intéressant, mais j'ai trouvé que c'était assez formateur. Donc, je suis arrivé là, où j'ai commencé là, donc avec ce postulat, si on veut, que la musique, c'est d'abord du son, et qu'avec du son, on peut l'arranger de telle façon que ça puisse faire de la musique. Thank you. Mais l'idée de commencer à faire des instruments, fabriquer des instruments. Ben, je dirais que c'est probablement lié à mon incompétence de musicien. Et c'est parce que je suis, et encore à ce jour, incapable de jouer correctement de la musique. Et c'est pas parce que j'ai pas essayé. J'ai absolument pas cette habileté-là. Il y en a qui ont pas l'habileté pour les langues, ce qui est mon cas aussi. Mais j'ai pas l'habileté non plus pour jouer de la musique. Et je voulais faire de la musique et je voulais donc être avec ces gens qui faisaient de la musique, mais de la musique très expérimentale aussi. Donc beaucoup plutôt du côté du bruit, enfin, ou de la non-musique, peu importe comment on arrange ça. Alors, je me suis dit, je vais me faire des instruments pour moi, pour que je puisse accompagner ces gens, et je vais leur faire aussi à eux des instruments pour qu'ils puissent, avec moi, donc, faire de la non-musique. Mais c'est d'abord parce que j'ai très, très peu d'habileté d'interprète et que je voulais faire de la musique que je me suis dit, je vais me faire mes propres instruments, parce que quand je vais dans un magasin de musique, ce qu'on montre là n'est pas pour moi. Mais tu as malgré tout commencé aussi à écrire ta propre musique, disons là, et créer tes propres instruments. Et dans ce processus de création-là, est-ce que la musique précédait l'instrument ou c'est l'instrument qui précédait la musique? Souvent, c'est l'instrument qui précédait la musique. C'est-à-dire, j'avais une idée à la fois esthétique et sonore de ce que je voulais. J'essayais des choses. Il y a beaucoup d'essais et erreurs. Donc, mais je dirais que c'est plutôt l'instrument qui a précédé ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire, avec un instrument, on voit les limites. Mm-hmm. Souvent, elles sont assez grandes, donc c'est pour ça que j'ai créé plusieurs instruments, puisque chacun était limité, mais en additionnant tous ces instruments limités, on finissait par trouver quelque chose qui était un peu plus complexe et peut-être un peu plus riche. Mais c'est d'abord ça, c'est d'abord un objet. C'est d'abord un objet, mais c'est d'abord aussi quelque chose qui a l'air assez ludique. Je vois les instruments dont on va parler tout à l'heure de ton nouveau piano, mais quand je regarde aussi les instruments qui ont été créés, ils ont un aspect qui est un peu, je dirais, anticonformiste, qui sort du cadre, qui a un côté ludique ou un côté pied de nez. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a un fond d'ironie, peut-être, il y a un côté peut-être trash, souvent objets récupérés, détournements, enfin c'est des thèmes assez connus dans la création artistique, donc je suis autour de ces thèmes-là, c'est clair, mais pour la musique, donc il y a aussi un discours sur la musique, donc en plus, c'est peut-être un détournement de l'instrument lui-même, surtout que j'ai travaillé beaucoup avec des instruments qui existaient déjà, que j'ai... j'ai traficoté, disons, pour plus qu'ils sonnent comme ils devaient sonner au départ. Mais quand tu parles de détournement de musique, pour le bien de nos auditeurs, comment toi t'aimes bien détourner, par exemple, tel type de musique? Ben, ça dépend, soit qu'on détourne la musique qui existe déjà enregistrée, mais sinon c'est détourner plus simplement un instrument. Le piano qu'on va entendre tout à l'heure, c'est une forme de détournement, c'est-à-dire c'est un piano à queue qui a été tranché, sur lequel sont placés un pick-up de piano, qui ressemble beaucoup à un pick-up de guitare, et sur lequel il y a tout un dispositif de haut-parleurs. Donc c'est un détournement parce que le piano ne sonnera plus du tout comme en principe il sonne. Enfin, un peu, mais essentiellement ce qu'on entend et l'intérêt de l'instrument, c'est qu'il sonne autrement, et l'intérêt, c'est de jouer autre chose qu'une pièce classique ou une ritournelle, parce que ça devient plus intéressant de jouer la tête de bille là-dessus. Enfin, on peut le faire, mais c'est pas l'idée. Thank you. Georges, on est attablé autour d'une guitare, je dirais une guitare préparée ou en tout cas patentée. J'aimerais que tu nous la décrives pour nous donner un peu, donner aux éditeurs l'idée de qu'est-ce qu'on entend par cette idée d'instrument inventé, parce que dans le cas de la guitare, on part tout de même avec le corps de la guitare traditionnelle et là, tu détournes un peu sa finalité sonore. Puis j'aimerais que tu nous la décrives puis que tu nous la fasses entendre. C'est possible? Oui, bien sûr. Si on me permet de faire une parenthèse avant pour dire... Qu'est-ce que c'est? En fait, une plus grosse parenthèse encore, ce qui est intéressant en art, c'est le fait qu'on peut faire n'importe quoi, contrairement au discours plus scientifique et même sciences sociales, où on ne peut pas dire n'importe quoi, et c'est intéressant de ne pas dire n'importe quoi, mais le champ de liberté donné par l'art, moi, je le trouve extraordinaire. Et peut-être qu'il m'intéresse encore plus que dans ma vie de tous les jours, je suis toujours très contraint par des contraintes plus scientifiques dans ce que je dois faire. Et donc, j'adore la possibilité d'inventer avec l'art. Et on peut dire n'importe quoi, et c'est jamais vrai ou faux. Et donc, ça, enfin, on peut s'amuser à dire que c'est vrai ou faux, mais c'est rarement les critères. Et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant qu'il y ait des historiens de l'art, des commentateurs qui eux-mêmes vont continuer au fond de raconter l'histoire de l'œuvre en inventant aussi, au fond, et en se collant et en racontant eux aussi une histoire à partir d'une œuvre. En inventant même un discours. En inventant même un discours, mais je veux dire, tout ça c'est aussi assez ludique et c'est du jeu et je pense que c'est souvent vu comme ça, enfin, où ça devrait. Et donc, ça fait partie, donc cette guitare que je vais vous présenter à l'instant, fait partie d'un triptyque que je veux faire, donc ça c'est la première partie qui est terminée. Et le triptyque, c'est un triptyque sur la disparition de la musique. Et d'où l'idée, je veux dire, la disparition de la musique, c'est loufoque et c'est même imbécile de dire ça. Mais on peut faire un triptyque sur la disparition de la musique, pourquoi pas, et on peut présenter ça dans un discours artistique qui peut avoir une certaine cohérence. Alors, la pièce 1, on a l'instrument au complet, et ici, donc, on a la guitare au complet. La pièce 2, qui est en construction, on n'a que les marteaux d'un piano. Et la pièce 3, on n'aura que les clés d'un saxophone. Et dans la pièce 1, on a à peu près, donc on a tout l'instrument et on va entendre en gros l'instrument lui-même. Là, on va l'entendre dans un instant les cordes et en même temps les bruits de moteur. Dans la pièce 2, avec le piano. Donc, on va entendre essentiellement les marteaux bouger. Donc, la musique, le son va être uniquement fait par les marteaux parce qu'il n'y aura plus de cordes. C'est que le mécanisme qui va monter, qui va descendre et qui va faire un son un peu percussif. Et dans la pièce 3, qui va être un peu enfin, avec les clés de saxophone et qui vont être mis sur une espèce de cône de métal. Et là, il n'y aura plus rien. Tout ce qu'on va entendre, c'est l'air ambiant dans la pièce. Donc, on passe de, on entend une guitare, on entend les touches de piano, mais sans entendre du tout de musique. Et à la fin, on entend le néant. On entend le néant, mais qui n'existe pas. Au fond, il y a toujours un son. Et c'est ce son-là qu'on entend. Donc, c'est pour ça que c'est sur la disparition de la musique, parce qu'à la fois disparaît l'instrument d'une fois à l'autre et donc disparaît peut-être l'idée de la musique. Mais vous voyez, c'est qu'une idée. Alors, je vous fais écouter le premier, la guitare, où il y a un dispositif, donc, où il y a 6 moteurs placés sur 6 cordes identiques. Mais c'est la même corde, mais ils ne sont pas tout à fait ajustés de la même façon. Et donc, les moteurs, en tournant, vont... donc, c'est une guitare classique assez standard. Oui. Et donc, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. En fait, tout est à l'intérieur, tout est caché ici, à l'intérieur. Tout ce qu'on a derrière, c'est un bouton rouge, sur lequel je vais appuyer à l'instant. Et on va entendre, donc, les moteurs tourner. On est dans un centre, dit dans les centres d'artistes autogérés, et on est face à une guitare autogérée. Tout à fait. parce que tu as, mis à part le déclic initial qui t'appartient, le reste, c'est la guitare qui l'a joué. Oui, tout à fait. Elle a créé son propre univers. C'est l'instrument. Oui, il y a eu une programmation, donc on peut tout à fait changer pour décider, donc sur les 6 moteurs placés sur chacune des cordes, laquelle va tourner. Les 6 pourraient tourner en même temps, tout le temps. Mais donc, l'idée, c'est d'avoir des silences pour qu'on entende aussi les cordes résonner. Là, il y a un petit ajustement qui doit être encore fait à ce niveau-là, donc l'ajustement des cordes. Mm-hmm. Mais et donc, est-ce que le moteur tourne vite ou lentement? Est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il joue pas? Donc, il y a quand même une composition à faire. Oui, tout à fait. Thank you. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Georges, ça fait plusieurs années que j'entends le travail que tu fais, comme, on pourrait dire, comme facteur d'instruments ou de néo-instruments. Et à toutes les fois, je me demande toujours quelles sont tes sources d'inspiration comme facteur d'instruments. Est-ce que c'est des gens qui font un peu ce métier-là ou encore s'il y a un autre univers, que ce soit de l'architecture ou de la conception graphique qui est un peu en arrière-plan de tes réflexions sur l'esthétique des instruments? Bien, c'est une bonne question. Alors, il y a toutes sortes d'influences. C'est sûr qu'il y a des gens comme Harry Partch, par exemple, qui a fait beaucoup d'instruments de musique, mais Harry Partch était très intéressé par la musicalité, si on veut. Donc, ses instruments ne faisaient pas de bruit. Mes influences, sinon, ça a été évidemment John Cage. On peut dire que c'est une influence parce que John Cage, il dit, au fond, tout peut être de la musique et c'est beaucoup intéressé au silence aussi comme étant de la musique, en fait, sur l'idée que le silence n'existe pas précisément. Donc, c'est sûr qu'il y a là des influences, mais sinon, je dirais que ma plus grande influence, peut-être, c'est dans Sesame Street, que vous avez peut-être écouté, il y a, à un moment donné, celui qui vit dans une poubelle. Enfin, il y a Ernie, il y a Bert, il y a toute une série. Moi, j'ai adoré cette émission-là, mais il y a une des marionnettes vit dans une poubelle. Et parfois, dans sa poubelle, quand il parle avec quelqu'un, il dit « Attention, il y a un autobus qui passe. » Puis dans sa poubelle, il y a un univers incroyable qui existe. Et évidemment, on ne peut pas le croire parce qu'il fait tout juste lui dans la poubelle, mais il nous fait croire, puis il descend dans sa poubelle qu'il y a un monde là. Et ça m'a toujours fasciné. Donc, on ne voit pas ce monde-là, mais il nous dit qu'il existe et forcément, il doit exister. Puisque lui, en tout cas, il croit. Mm-hmm. Et on entendait à l'époque donc le bruit du train qui passait dans sa poubelle, de l'autobus qui passait, de la ville qu'il avait dans sa propre poubelle. Et ça, je dirais, ça. Je me suis dit, tiens, il y a un univers de construction un peu, au fond, un peu aléatoire qu'on peut faire et ça ouvrait l'espace de l'imaginaire, disons. Puis le son pouvait partir de n'importe où. d'une poubelle, là, il peut avoir du son dans une poubelle, dans n'importe quoi, donc il n'y a pas d'instrument noble. Non, il n'y a pas d'instrument noble. Et les instruments nobles, peut-être qu'on peut les désanoblir un peu, et on peut anoblir, ou enfin en faire des instruments, ce qui n'est pas un instrument. Et c'est, le détournement, il y a ça d'intéressant. Je veux dire, il y a plein de gens qui travaillent le détournement, et je trouve toujours ça intéressant de changer la fonction d'eux. Il y a un discours social aussi qu'on peut faire sur un objet qui veut dire quelque chose parce qu'il est dans un contexte, et quand on le met dans une autre, il veut dire autre chose. Donc, Marcel Duchamp, pour ça, est absolument intéressant avec son urinoir. Et donc, il y a ça. Alors, mes influences sont autour de ça. Et je dirais, sont pas nécessairement musicales. Donc, ça vient d'un autre univers que la musique. Mais comme je disais tantôt, il y a Harry Partch. Mais Harry Partch, pour moi, c'est impossible que je fasse ce qu'il fait. Il est bien trop... Il est bon. Il est absolument génial. Et il fait de la musique. Et moi, je fais pas ça. Je fais vraiment autre chose que ce que Harry Partch peut faire. Georges, dis-moi, on a des instruments qu'on exploite de manière live. Est-ce que tes instruments sont toujours pensés pour des prestations live ou si tu as travaillé dans un mode plus installatif ou encore plus esthétisant au sens où on présente l'objet? Comment ça chemine cette affaire-là? Est-ce que c'est d'abord pensé pour la prestation live puis ensuite pour une prestation où c'est plus la délectation de la chose en tant que telle? Toute la première génération a été pensée pour des prestations live et sur Monopole, donc, se retrouvent des instruments qui ont tous été joués dans des prestations live. Et là, ce que je commence à faire, donc, depuis un an et demi à peu près, c'est une série d'objets qui ne sont plus des objets, en fait, qui pourraient toujours être joués live, mais qui sont d'abord faites pour être présentées dans des salles. Et ce fameux triptyque sur la disparition de la musique en est un exemple, dont un autre projet aussi un autre projet que je suis commencé à Avatar, qui s'appelle le narrateur de particules, où c'est d'aller chercher sur le web des tweets d'agences de nouvelles en langue étrangère. Donc, on ne sait pas du tout de quoi ils parlent. Et donc, on s'abreuve. Et ça fonctionne assez bien avec Simon Paradis. On a assez bien avancé. Et de les traduire en français. Et donc, la traduction est assez intéressante parce qu'on comprend à moitié. Donc, on s'intéresse à l'autre. Donc, on s'intéresse à ce qui intéresse les Japonais et en fait, toutes les autres cultures autres qu'anglaises ou anglophones et francophones. Et donc, il y a un traitement avec ça qui se fait. Et un tweet, c'est génial parce que c'est très court. Et donc, s'il y a déjà toute une critique à faire du tweet qui essaie lui-même de synthétiser quelque chose qui est souvent très complexe, et ensuite la traduction qui est malhabile, qui elle aussi est quelque chose d'assez synthétique, et donc il y a un jeu, éventuellement il y a un jeu sonore à faire dans le montage de ces sons-là, et dans le, on verra aussi, il y aura un visuel, on va voir aussi à l'écran les mots, donc dans les deux langues. Alors Georges, on est ici aujourd'hui parce que tu as créé un instrument de ta toute dernière création, qui a la facture d'un piano, mais qui est peut-être pas un piano. Je ne sais pas comment tu l'appelles toi, mais appelons-le le piano pour tout de suite. Et donc, peux-tu nous dire de quoi il est question? Ben, c'est une tranche de piano. Donc, c'est une des tranches importantes, ou en fait, de milieu d'un piano à queue, donc fait sur le long, un piano qui avait 5 pieds. Donc, c'est quand même dans les pianos à queue, c'est un piano qui est assez court. Mm-hmm. On a gardé à peu près 15 pouces, donc sur la largeur. Et ce qui reste, donc, il y a un pick-up, donc comme on sert sur la guitare électrique, qui amplifie le son. Et ensuite, le son est diffusé par 4 systèmes donc de diffusion, 4 séries de haut-parleurs. Donc, on peut entendre un peu de façon acoustique le piano, mais il est très vite enterré par les haut-parleurs. Donc, il y a un gros parleur qui va tomber sur les cordes, et plus on s'approche, plus il va faire un feedback. Mm-hmm. Comme quand une guitare électrique se rapproche de l'amplificateur. Et il y a un système de roues que j'avais déjà utilisé sur un autre instrument que j'ai un peu réactualisé, où selon la position du haut-parleur, donc on aura des sons différents. Donc il y a 5 possibilités de sons différents parce que les haut-parleurs donnent tous des sons différents. Donc il y aura une texture différente selon le haut-parleur. Alors la roue, quand elle tourne, ben, elle fait sortir un son qui est différent. Il y a également un essuie-glace qui permet à un objet de se promener sur les cordes et de faire un son un peu aléatoire. Et il y a 2 autres... haut-parleurs qui sont installés à droite et à gauche. Et il y a aussi, puisqu'en le coupant, il y a une fonction des 3 pédales qui n'arrivait plus à faire quoi que ce soit. Donc, on a installé un petit bass drum. Donc, il y a moyen aussi de jouer du bass drum avec ce piano. Oui, la percussion. Est-ce que tu l'as nommé? Pour l'instant, c'est-à-dire que c'est tranche majeure de piano, parce qu'il y a la tranche mineure de piano aussi qui est en construction, parce que donc la partie centrale a été gardée, et la partie droite, donc les aigus, aussi a été gardée, et avec elle, donc, je vais faire un autre instrument qui est à peu près fini, qui lui sera très électronique. Donc sur la tranche majeure de piano, il y a aucun effet autre que l'effet des haut-parleurs, mais il y a pas d'effet de distorsion autre que celui qu'on arrive à créer live, mais il y a pas d'électronique si on veut, alors que l'autre, il va être, je dirais, 100% électronique. Et j'ai vu que tu y as couplé une sorte de, appelons ça un bras de vitesse ou un levier. Il sert à quoi, ce levier-là? Alors, c'est le levier qui sert à descendre le haut-parleur pour qu'il se rapproche des cordes. Donc, c'est ce qui va faire que plus évidemment, il va être proche des cordes, il va être proche du pick-up, et c'est là qu'il y aura un effet de distorsion. Et je dois dire quand même, je profite de l'occasion pour remercier Francis Labissonnière, qui est un coupeur de piano hors pair. Il y a de très bons bouchers, mais il y a aussi de très bons coupeurs de piano. Et l'idée m'est venue parce que j'étais à un concert où je voyais, puis c'était un type que je connais assez bien qui jouait du piano, et je regardais au fond sur quelle distance il promenait ses mains, et en général, il promenait sur une distance assez courte, et il promenait en gros sur 17 pouces, et je me suis dit, là, il y a une perte d'espace sur un piano qui est énorme, il y a beaucoup trop de notes qui servent à peu près à rien, sauf des fois pour aller un peu dans la dentelle, mais donc, on peut le rendre plus efficace, le piano, en le coupant, en enlevant son excédent, comme on enlève le gras, donc sur sur la viande. Et donc, j'ai été le féliciter et je me suis encore, j'ai regardé discrètement dans son piano à queue qui était ouvert. Je me suis dit, OK, c'est vrai qu'on pourrait le couper ici, on pourrait couper là, ça devrait encore tenir. Et donc, après, je me suis mis à la recherche d'un piano à queue pas cher, et j'ai trouvé celui-là qui était vraiment pas cher, et c'était assez drôle parce que je l'ai acheté donc à Québec, et je l'ai fait déménager par des experts déménageurs de piano qui l'ont enveloppé d'une façon impeccable et vraiment qui ont porté toute l'attention du monde pour pas qu'il se brise, et ils l'ont amené à l'atelier de l'œil de poisson, et une demi-heure après, ben, Francis commençait à le trancher, donc... Et c'est un vrai détournement. Oui, oui, tout à fait. Et il faut dire, puis ça, je pense que c'est intéressant de voir, parce que ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai dit au type qui le vendait ce que je voulais faire avec, et lui avait aucun problème. Il disait, au fond, une fois que tu l'achètes, tu fais ce que tu veux avec. Mais j'en avais vu un avant que je trouvais intéressant aussi, même s'il était un peu plus long. Et à un moment donné, le type trouvait que je posais des drôles de questions sur le piano, donc j'étais avec lui donc devant ce piano dont il voulait se débarrasser en principe, et j'explique ce que je veux faire, que je veux le couper, et il me dit non. Il dit, non, je ne vendrai pas un piano qui s'en va à l'abattoir. Si on veut. Et je le comprenais tout à fait. Je dis, très bien, c'est pour ça que je voulais vous le dire aussi, pour que ce soit clair ce que j'allais faire avec. Mais c'est intéressant de voir comment, pour certains, ces objets-là sont sacrés. Et j'ai un énorme respect pour ça aussi, en fait, pour cette croyance-là. C'est pas la mienne, et c'était pas celle de mon vendeur. Et donc, je me suis trouvé un vendeur qui avait les mêmes croyances. Oui, c'est la même religion. Oui, exactement. Alors, on va l'écouter. D'accord. Est-ce qu'il y a un titre pour la première pièce que tu vas nous faire jouer? On est encore dans l'improvisation et dans l'apprentissage de tous les contrôles de volume qu'il y a sur le piano. C'est quand même étonnant d'entendre un appareil comme celui-là. En fait, à part du fait que ça part d'un piano, tout le reste amène des sonorités qui n'ont rien à voir avec un piano, là. Oui, on est plus proche de la guitare électrique d'une certaine façon, ou presque de l'électroacoustique, même s'il n'y a rien d'électronique, parce qu'il y a des tout petits sons qui se créent à un moment donné avec la distorsion, avec les haut-parleurs qui ont trop de difficultés parce que le volume est trop élevé à l'entrée, avec l'essuie-glace qui finalement, dont on entend le bruit du moteur, etc. Donc oui, effectivement, des fois ça ne ressemble plus du tout à un piano et c'est un peu l'idée. Donc, tu vas avoir encore une bonne période de familiarisation avec ton piano, parce que maintenant que tu le connais au plan, je dirais, mécanique, il te reste maintenant à en tirer le maximum de projets musicaux. Oui, c'est ça. Là, il faut voir après ce qu'on va faire. Il faut y trouver un endroit aussi pour le ranger. Mais il se démonte quand même. Il a été fait et avec Francis, ça a été important qu'on puisse le transporter sans trop de difficultés. Il rentre dans un cadre de porte. Donc, ça, c'est quand même important parce qu'on l'a rentré ici. Il y a un peu de montage, démontage, mais c'est quelque chose qui se fait bien. Et il y a des roues. Donc, ce qui est quand même formidable pour un instrument de musique, il y a peu de guitares qui ont des roues. Ce que j'ai trouvé fascinant, Georges, c'est qu'il y a tout de même il y a comme une scénographie à travers ton travail. On a l'impression parfois que c'est le pressier qui est aux commandes d'une machine, là. Et comment tu travailles ce volet-là de la mise en forme de la performance, je veux dire ça comme ça. Est-ce que c'est l'instrument qui conditionne toute la chose, ou s'il y a un travail de mise en scène, de scénographie du travail? Il y a un certain travail de mise en scène, tu as raison, mais dans ce cas-ci, je voulais vraiment qu'on puisse être assis et ne pas bouger et tout faire. Donc, tous les contrôles sont amenés en avant. Alors qu'on aurait pu penser que l'interprète se lève et intervient et actionne des choses, là, tous les contrôles ont été amenés à l'avant. Donc, à la fois le contrôle du pick-up et les quatre contrôles de haut-parleurs et le contrôle de l'essuie-glace aussi, donc et toutes les pédales. Donc, tout se fait en avant. Donc, l'idée, vraiment, c'est de rappeler le pianiste de concert qui, lui, ne se lève jamais, reste assis et joue du piano. Donc, dans ce point de vue-là, c'est un piano de concert, si on veut, au sens plus classique du terme. Ben Georges, ça a été un très grand plaisir, un honneur même de recevoir et de faire entendre par nos auditeurs les premiers sons de ton piano. Alors, longue vie à ce piano. Merci. Ben, c'est plutôt un honneur pour moi d'avoir été invité à votre émission. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on vous dit à l'année prochaine. C'est Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous. Salut tout le monde. Hey, get out of the... Alors, vous venez d'entendre la dernière émission de l'année 2016 de la Croche-Oreille, de la saison hiver 2016 de la Croche-Oreille. C'était Jean-Pierre Gay, donc, et Gaétan Gosselin. Et je voudrais, pour moi, c'est ma dernière émission à CKRL, non seulement pour cette émission de La Croche-Oreille, mais également après ces 14 années passées ici à CKRL, j'ai décidé de prendre une pause et de faire autre chose. Je demeure un fidèle auditeur et probablement que j'aurai l'occasion de revenir à l'occasion pour des remplacements. Alors, je voulais d'abord dire un grand merci à CKRL pour m'avoir offert cette chance d'explorer ces univers assez singuliers de la culture d'ici. Évidemment, CKRL a osé, dans un premier temps, mettre en onde une émission qui portait sur les arts visuels. Il fallait le faire. Ça s'appelait l'aérospatiale. C'est une émission qui a fait ses preuves et qui dure toujours. Puis, ce projet de l'art sonore que je mène depuis 4 ans avec Gaétan, et aussi où CKRL a accepté de jouer en terrain inconnu et pour lequel on a réussi, je pense, à intéresser beaucoup d'artistes et le public aussi. Grâce à CKRL, on a pu donner la parole à plus de 660 artistes dans le cadre de l'aérospatiale et à plus d'une centaine dans le cadre de l'art sonore. C'est-à-dire comment ces deux pratiques sont extrêmement vivantes à Québec et importantes, et elles sont malheureusement oubliées, ou si je dirais méconnues, par l'ensemble des médias. Ça consacre la pertinence et l'importance de CKRL dans le paysage sonore de Québec. Sans ce lieu unique, Il y a plus de 95% des artistes qu'on a reçus dans ces deux émissions qui n'auraient jamais pu avoir la parole autrement. Alors, CKRL demeure toujours cette radio culturelle de Québec, la radio culturelle de Québec, la radio des découvertes, comme on l'a toujours nommée. Donc, merci à d'abord à CKRL, merci aussi à mes collègues à l'animation de l'accroche-oreille, bien sûr Myriam, Ariane, John qui est passé quelque temps aussi, et surtout mon fidèle ami Gaétan qui, en plus de co-animer, s'occupait du site web et du montage sonore de nos émissions. Un grand merci à Avatar qui soutient financièrement l'émission. Tout l'argent va à CKRL. Nous le faisons bénévolement nous-mêmes, mais le CKRL paye... Avatar reçoit des données de l'argent de CKRL. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là tout le temps. Merci à ma grande amie Louise qui m'a toujours encouragé dans ce projet-là. Je souhaite donc une longue vie à la croche-oreille, une longue vie à l'aérospatiale aussi, une longue vie à CKRL, et je vous dis merci et à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.